c'est plié, faut que je sache avoir obligé. Tu chitais la bouteille, les OCB oubliés. J'en famille dans le cœur et aucun truc blanc sur la bouche. En plein milieu du bunker, les jaloux commandent sur la touche. Je veux de l'or entre les mains, faut sortir les R6. Pour étendre le paquet de club, tu vois qu'il m'en reste 6. Maillé, maillé, maillé pour la vie, passer la passe. Y'a de la CC, c'est de la bonne, faut pas que tu nous tapes des fois. Autant si tu savais, est-ce qu'on du mal à fond les affaires? Autant si tu savais, est-ce qu'on du mal à fond les affaires? J'ai donné, donné de mon mal.